En Corée, les matchs de volley-ball des travailleurs agricoles au niveau national se sont déroulés du 22 au 27 mars au Palais des Sports de Pyongyang. Les 23 équipes masculines et féminines sélectionnées de la ville de Pyongyang et de chaque province se sont disputées par poules éliminatoires. Les équipes des provinces du Hamgyong du Sud, hommes, et du Fangé du Sud, femmes, se sont classées premières. Les meilleures équipes et joueurs ont reçu les citations, coupes et médailles.